Ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, cette journée, elle a été présentée comme journée sur les violences policières. Mais en fait, on va plutôt. Je pense que cette journée est plutôt consacrée de manière plus générale aux violences d'État. Et donc, on va pas seulement parler des policiers, mais on va essayer de développer une réflexion un petit peu plus systémique sur les questions de violence qui sont perpétrées par tout un système qui est étatique et qui se prolonge alors non seulement dans certains quartiers, donc ça on le sait, ça c'est l'actualité, mais ce système il se prolonge aussi sur le plan international. Alors c'est plutôt bien qu'on soit à Stalingrad. Parce que Stalingrad, voilà, c'est un nom connu, et c'est un nom qui nous rappelle l'histoire internationale, l'histoire des guerres mondiales. Alors moi, je vais venir vous parler. Je vais essayer de pas être trop long, donc je compte sur la modération pour me minuter, me limiter un peu, parce que je pourrais parler des heures et des heures. Voilà. Je vais parler de la question de la violence et de la non-violence dans les luttes de libération en Afrique, c'est-à-dire dans les années 40, 50 et 60, durant le mouvement de décolonisation. Et donc voilà, c'est une question qui me semble importante, parce qu'elle touche la question de la libération face au pouvoir, à des pouvoirs étatiques qui sont ceux des pouvoirs des États principalement européens, qui ont colonisé une grande partie du globe. Alors notamment, je vais commencer par l'Inde, et puis après on parlera du continent africain, et puis spécialement du mouvement des luttes de libération en Algérie, au Ghana et au Cameroun. Alors pour commencer, il faut savoir que la question de violence, non-violence, elle s'est posée surtout dans le cadre de la domination coloniale. Parce que on se trouve à ce moment-là... Pardon ? Oui, bon, je me mets là où je veux. Ouais. Oui, pardon. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, dans le cadre de la domination coloniale, parce qu'il faut comprendre que la question de violence, pas violence, elle ne se pose pas vraiment quand on parle de prise de pouvoir et de lutte contre une oppression. Notamment en Europe, les gens ne se sont jamais vraiment posé la question de est-ce qu'on est violent, est-ce qu'on n'est pas violent. À partir du moment où on a les moyens d'avoir des armes et de s'armer et de se battre, eh ben on applique la violence. Par contre, là où il y a des questions qui s'est posées, et notamment par exemple en Inde et dans tous les pays colonisés, elle est due à la domination militaire et violente des pouvoirs coloniaux. C'est-à-dire que là, on a des populations qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas en mesure de résister par la lutte armée à des armées extrêmement puissantes telles que les armées anglaises et françaises. Et prenons par exemple l'Inde. En Inde, il a été acquis que chez les Indiens, qu'ils ne pouvaient pas, par la violence, se libérer du joug colonial britannique. Et donc, c'est quelqu'un comme Gandhi, qui d'ailleurs a élaboré sa stratégie de non-violence d'abord dans un premier temps en Afrique du Sud, qui a élaboré une stratégie de recours à la non-violence, c'est-à-dire il a érigé la non-violence comme principe, comme moyen de résister à une oppression coloniale très puissante, mais sans, alors que ceux qui devaient lutter n'avaient pas les moyens militaires de résister. Donc voilà, je pense que vous connaissez un peu tout ça, les moyens de, les formes de résistance, de désobéissance civile, de boycott et autres qui ont été développées en Inde et qui ont abouti à un recul progressif des positions, de l'intransigeance des positions britanniques. Et qui ont amené à l'indépendance de l'Inde à partir de 1947, sachant que le principe de l'indépendance a été accepté plus ou moins aux alentours de la première, de la seconde, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Inde, avec Gandhi? En 1945, on a la fin de la Seconde Guerre mondiale et on a des pouvoirs coloniaux qui ont été plus ou moins affaiblis par cette Seconde Guerre. Et alors la question se pose, parce qu'on a des mouvements de décolonisation qui se mettent en place, qui se lancent dès 1945. On a notamment tous les territoires qui avaient été pris par le pouvoir impérial japonais, qui déclarent leur indépendance. On pense notamment à l'Indonésie, qui déclare son indépendance. On a aussi l'Indochine. On a plusieurs territoires comme ça. Qui lance un mouvement radical de décolonisation et de nationalisme et de libération. On a aussi le 8 mai 1945 les Algériens qui lancent un mouvement de libération nationale qui est réprimé très violemment. Et dans ce cadre-là, les Africains, ceux de l'Afrique au sud du Sahara, se posent la question. On a aussi les Caribéens, la question de la libération. Que faire pour libérer les territoires africains, sachant que la domination militaire sur ces territoires est extrêmement importante et est impossible à déloger. Et à ce moment-là, dans cette année 45, on a des penseurs, des militants, qui considèrent que les conditions d'une libération violente par la lutte armée, ces conditions ne sont absolument pas remplies. Elle le voit par exemple vis-à-vis de ce qui se passe en France, c'est-à-dire il n'est pas possible que les forces autonomes qui ont émergé dans le cadre de la résistance puissent prendre réellement le pouvoir en France et dans d'autres pays à la suite de la libération, parce que ces quelques forces armées ont été enrégimentées dans les troupes des forces françaises libres qui sont soumises à l'autorité du général de Gaulle. Et donc dans ce cadre-là, il est décidé de s'appuyer sur l'expérience indienne, et notamment celle de Gandhi, tout ce qui est toute la stratégie de la non-violence prônée par Gandhi, pour mener les mouvements de libération sur le continent africain. Alors cette stratégie, on la retrouve notamment au Ghana, c'est-à-dire ce qui était à l'époque la Gold Coast ou la Côte d'Or. C'est-à-dire que là où on a, c'est un dans ce territoire, cette colonie britannique, on a aussi une colonie importante qui est celle du Nigeria. Et bien dans cette colonie, on a un vieux mouvement nationaliste qui souhaite s'émanciper de la tutelle britannique. Et alors la question, c'est comment s'émanciper? Et c'est le leader indépendantiste Kwame Nkrumah, qui revient au pays en fin 1947, qui élabore une stratégie sur la base de la non-violence, en s'inspirant directement de Gandhi, et il appelle à une résistance, à une désobéissance civile exclusivement non-violente. Donc le recours à la force armée et à la violence est banni de son discours. Alors ça a pour effet de rassurer les autorités britanniques et puis de plus ou moins mobiliser la population, qui lance une grève générale en janvier 1950, qui est assez durement réprimée. Mais on n'a pas d'effusion de sang et cela permet une certaine mobilisation de la population qui, à partir de 1951, qui dans ces années 1950-1951, ont affaire à un pouvoir britannique qui à ce moment-là est aux mains des travaillistes, qui se montre plutôt comment dire bienveillant vis-à-vis de cette forme de lutte et ses aspirations à l'autonomie de la colonie, et qui vont organiser des élections et laisser un parti de masse se former. Et ce parti de masse va gagner les élections en février 51 et accéder au pouvoir. Et le leader de ce mouvement, qui est Kwame Nkrumah, qui avait été mis en prison un an plus tôt, est libéré et devient premier ministre. Et à partir de là, on a une véritable, c'est la première victoire du mouvement de libération, des mouvements de libération nationale en Afrique. C'est-à-dire, on a un Africain, un local, qui accède à au gouvernement de la colonie. Et ça a un retentissement extrêmement fort. C'est-à-dire que on a la stratégie de Gandhi de la non-violence a marché. Les Anglais ont reculé. Et c'est et à partir de là, ça va devenir de plus la stratégie de la non-violence va s'imposer. Alors je vais pas dire comme un dogme, mais elle va s'imposer dans sur la base de dans beaucoup de mouvements pour dire que on n'a pas la force, mais on peut s'organiser politiquement et à partir de là, on peut gagner des victoires politiques. Sachant qu'au même moment, dans ce début des années 50, on a au Kenya un mouvement, le mouvement nationaliste et de libération, est pris face à l'intransigeance des colons blancs, engage la lutte armée. Ça, c'est le mouvement Mao Mao. Et ce mouvement est très durement réprimé. Et le leader nationaliste kenyan, qui est Jomo Kenyatta, et qui est plutôt quelqu'un qui est un peu comme Nkrumah, qui est quelqu'un de plutôt comment dire modéré, il est jeté en prison et il restera en prison pendant 10 ans. Donc voilà, donc à ce moment-là, au milieu des années 50, on est sur une logique qui consiste à dire que la lutte, l'organisation des masses, les boycotts, les grèves et les manifestations et toutes ces pratiques de désobéissance civile civique non violente sont efficaces et peuvent fonctionner dans une logique de libération vis-à-vis de l'impérialisme européen. Et ces choses-là, en fait, vont progressivement évoluer dans le cours des années 50, dans la deuxième moitié des années 50. Tout d'abord, on a en 1954 la défaite de la France en Indochine, où on a quasiment la première fois un exemple contraire aux pratiques de non-violence, c'est-à-dire que la lutte armée, l'idée que la lutte armée peut payer et peut permettre une libération effective d'un territoire. Cette même année 1954, on a les Algériens qui engagent la lutte, une guerre de libération avec la France. Et on a ensuite, un peu plus tard, en 1956, on a les Cubains qui engagent à leur tour une guérilla sur le sol cubain. Et toutes ces luttes n'aboutissent pas, en fait. Bon, l'Indochine aboutit, mais l'Algérie n'aboutit pas. Et dans les années 56, 57, 58, ces luttes armées ont beaucoup de mal à aboutir. Ah oui, et puis il y a aussi dans ces années 40, voilà, j'ai oublié d'en parler, mais c'est très important, on a le Cameroun aussi. Le Cameroun qui est un protectorat français, c'est-à-dire c'était une ancienne colonie allemande qui, à la suite de la défaite allemande en 1918, a été mis sous mandat de l'ONU et confié à la France et à l'Angleterre. Et c'est-à-dire que le Cameroun a vocation à terme à devenir indépendant. Eh bien, des Camerounais s'organisent à partir des syndicalistes et qui se politisent, organisent à partir des années 1948, entre 48 et 55, un grand mouvement de masse, un mouvement politique qui s'appelle l'Union des populations du Cameroun et qui revendique progressivement l'autonomie puis l'indépendance du Cameroun. Et la France, face à ce mouvement-là, va réagir de manière très violente et elle va interdire l'Union des populations du Cameroun en 1955 et réprimer extrêmement durement ce mouvement politique, de sorte à ce qu'il va être contraint, à partir de 55-56, de prendre le maquis. Donc en 1957, quand le Ghana accède à l'indépendance, on a la pratique de la non-violence bénéficie d'un très grand crédit sur l'ensemble du continent africain, car c'est une très grande victoire pour les mouvements de libération en Afrique. Mais pourtant, on a au Cameroun, et en Algérie, on a des mouvements de guérilla et de lutte armée qui se sont mis en place et qui ont du mal à résister face au pouvoir colonial français. Et ce qui va se passer, c'est que Ogana, qui décide de prendre la tête du mouvement de libération en Afrique, il va tenter d'imposer une sorte de dogme d'action non violente, avec appel à l'organisation politique, au boycott et autres. En fait, une exportation d'un modèle, du modèle non violent élaboré au Ghana, comme, pour, de sorte à faire du Ghana un exemple pour le reste des pays africains. Et dès 1958, dès les premières conférences panafricaines organisées par Nkrumah, on a les Algériens et les Camerounais qui viennent dans ces conférences et qui viennent critiquer la position, le mot d'ordre non violent défendu par le Ghana. Et parmi ces personnes-là, on a notamment Frantz Fanon qui a rejoint le mouvement qui a rejoint le FLN assez tôt, au milieu des années 50, peu de temps après le lancement de la guerre de libération. Et celui-ci va venir critiquer très durement la position, le dogme de la non-violence, et il va engager un débat qui va agiter tous les mouvements de tous les partis politiques et mouvements de libération en Afrique pendant toutes ces années 1958, 1959, 1960, sachant que la position pacifiste restera dominante pendant pas mal de temps. On a notamment toujours au Ghana cette position pacifiste qui est prônée par le gouvernement, qui s'affiche à l'occasion d'une grande conférence qui est organisée en avril 1960 et qui consiste à prôner d'une part le désarmement mondial vis-à-vis des concernant l'armement nucléaire. On est à ce moment-là, on est en pleine guerre froide, on est dans la course à l'armement. Pour critiquer aussi, pour dénoncer l'essai nucléaire français qui a eu lieu le 13 février 1960 à Reagan dans le sud de l'Algérie, et également pour faire la promotion du pacifisme et des pratiques non violentes. Et une fois de plus, à cette occasion, ce sont les Camerounais et les Algériens, dont Fanon, qui vont venir à nouveau critiquer le dogme de la non-violence. Et qui vont recueillir en fait le soutien d'une grande partie des délégués africains présents. Alors ce qu'on a aussi dans cette année 1960, juste avant la conférence, on a un massacre terrible en Afrique du Sud, à Sharpeville, où on a une répression terrible contre des manifestants noirs. Et donc et c'est à la suite justement de cette répression terrible que les mouvements politiques sud-africains, dont le parti de Mandela, alors on a le Pan African Congress et l'ANC, l'African National Congress, qui décident progressivement d'abandonner la pratique de la non-violence, du boycott et de l'organisation politique pour se lancer de manière beaucoup plus concrète dans l'organisation d'une lutte armée contre le pouvoir de l'apartheid. Et donc c'est dans ce cadre-là que, par exemple, Nelson Mandela, qui était jusqu'à présent qu'un simple avocat et militant politique, va partir se former à la lutte armée en Éthiopie et un petit peu partout, faire le tour de l'Afrique pour demander, engranger des soutiens des différents gouvernements et pouvoirs, et qu'il sera par la suite arrêté en 1963 ou 64 et condamné sous des motifs de, vous imaginez bien, terrorisme, subversion, lutte armée, trahison contre l'État et tout ce que vous voulez. Et vous savez, voilà, il passera plus de 30 années en prison. Donc ce qui se passe en fait dans ces années, en 1960, 61, 62, c'est que ce qui s'était passé notamment au Cameroun, c'est-à-dire l'impossibilité pour un mouvement politique fort de s'imposer au sein de la population, pour s'imposer politiquement face à un pouvoir colonial, eh bien, ça va radicaliser les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on interdit le parti, le grand parti de masse, l'Union des Populations du Cameroun, et on va le remplacer par une clique d'hommes politiques sans véritable base sérieuse politique, mais qui vont reprendre certains des mots d'ordre, notamment celui de l'indépendance. Et on a des gens qui vont, donc notamment Aïdjo au Cameroun, qui va reprendre le mot d'ordre indépendance pour le Cameroun, mais cette indépendance se fera main dans la main avec la France. Et là, on a les premiers signes du néocolonialisme africain qui se mettent en place à partir de 1955, 56, 57. Alors, et au parallèle de cette politique de collaboration avec la France, on a l'accueil de mercenaires, de militaires français, de toute une partie de contingents militaires français qui viennent combattre la guérilla de l'UPC dans les maquis. Et en fait, la situation du Cameroun, on la retrouve un petit peu partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États africains accèdent à l'indépendance, c'est-à-dire en 1960-61, on a tous les partis populaires pour une indépendance réelle qui sont progressivement interdits et réprimés et qui se retrouvent privés de cet espace politique au sein duquel ils pouvaient mettre en œuvre des pratiques non violentes. Et donc, très rapidement, les discours des Camerounais et des Algériens vont avoir de plus en plus d'écho. Et on va avoir le Ghana qui va se convertir progressivement à partir de 61, 62 à la pratique de la lutte armée et de la guérilla. Sachant que aussi en 1959, on a eu la victoire, en janvier 59, on a eu la victoire de la guérilla cubaine. Et que à partir de des années la fin 1961 fin 1960 1961, on a toutes les colonies portugaises qui se soulèvent et qui engagent des mouvements de résistance et de guérilla. Alors c'est au Mozambique, en Angola et au Cap-Vert où on retrouve quelqu'un comme Amilcar Cabral. Donc la non-violence, en fait, le débat sur la question de violence, non-violence, retombe un petit peu sur ses pattes et il est tranché, en fait, et il est tranché dans les faits. C'est-à-dire que la question de la pratique de la non-violence, elle est acceptée quand les conditions sont possibles et favorables. C'est-à-dire quand il y a un certain espace de liberté politique qui est garanti. Mais à partir d'un moment où on remet en cause les structures, les véritables structures économiques, politiques qui sous-tendent en fait l'oppression des populations, on se rend compte, comme ça a été le cas au Cameroun et ensuite quand ça a été aussi le cas au Ghana où le président Nkrumah a dû subir plusieurs tentatives d'assassinat et où finalement il a été déposé par un coup d'état militaire, on se rend compte que en Afrique, très rapidement, que la solution de la lutte armée est nécessaire pour acquérir une véritable indépendance et une véritable liberté d'action par les populations. Je continue ou... Très bien, oui. Alors je vais conclure. Oui. Comment? Oui. Fanon, c'est un Antillais, c'est un Martiniquais qui a été élève de d'Aimé Césaire en Martinique. Il s'est engagé très jeune dans les forces françaises libres. Il a participé aux campagnes de libération de 1944-43. Il est diplômé en psychologie. Ah, Fanon, on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est bien que tu me relances sur Fanon parce que au-delà même de la nécessité politique de recourir à la lutte armée pour assurer une véritable libération des populations et des territoires, on a aussi Fanon qui a théorisé la violence comme forme de libération psychologique de la part des opprimés. C'est-à-dire que par la pratique de la violence, mais aussi de tout ce qui engrange la lutte armée, l'organisation, le besoin de solidarité et autres, on procède à une libération psychologique des individus. Voilà. Et donc, il a fourni des arguments favorables, c'est-à-dire en définissant le recours à la violence non pas comme une simple nécessité liée à des con une simple nécessité, mais comme un véritable une condition requise pour une véritable libération de populations opprimées. Donc, je ne sais pas trop comment conclure, j'improvise un petit peu, mais c'est juste pour dire que la question de la violence et de la non-violence, elle ne peut pas être traitée sur une base morale ou sur une base de principe ou de dogme. Elle doit être traitée sur une base de stratégie et de tactique à adopter vis-à-vis de l'adversaire auquel on fait face. Quelqu'un comme Nkrumah, qui a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-violence pendant près de 10 ans, s'est ensuite retourné, a totalement changé d'avis. On pourrait dire qu'il a totalement changé d'avis et il s'est mis à prôner la guerre de guérilla. Oui, prôner la guérilla, mais aussi il a ouvert des camps de formation sur son territoire, il a armé des mouvements de lutte armée et il a écrit un ouvrage un petit manuel à l'attention des guérilleros africains. Donc c'est pour dire qu'en fait, la question n'est pas morale, la question elle concerne uniquement les conditions. Donc il faut, quand on parle de violence et de non-violence dans les formes de résistance à l'oppression, il ne faut pas le poser sur une question morale, mais sur une question de stratégie et de tactique. On peut parler, on peut prôner la non-violence quand celle-ci s'avère plus efficace que la non-violence, que le recours à la violence, à lutte armée ou autre. Mais quand... Attends, attends, attends, attends, je finis. Et une fois que... Mais quand les conditions de la non-violence ne sont plus efficaces, il ne faut pas se poser de barrières morales à d'autres formes d'action. Ça, c'est ce que nous ont appris les luttes de libération sur le continent africain et les luttes de libération qui ne sont pas encore achevées. Est-ce que quelqu'un assure la modération? Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on va passer à la partie débat. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y en a qui souhaitent prendre la parole sur ce qui a été dit ou qui souhaitent voilà, parler aussi de... Ou qui souhaitent rebondir sur les violences policières? Ah, Nabat. Est-ce que tu souhaites rebondir sur ce qui a été dit? Est-ce que tu veux rebondir? Nabat, tu veux dire quelque chose? Moi, je finis ça, mais juste si quelqu'un veut ouvrir un débat, si quelqu'un veut ouvrir un débat sur la question de comment peut-on définir la violence. Non, mais je suis en train de bosser. Je suis en train de bosser. Ok, attends. Pour ouvrir un peu le débat sur la non-violence ou la violence, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur une question fondamentale, c'est-à-dire comment peut-on définir la violence? Parce qu'il y a plusieurs types de violence verbale, violence physique, violence psychologiques, il y en a pas mal. Moi, je tiens à poser cette question juste pour pointer un fait intéressant. C'est-à-dire, la violence n'est pas souhaitable dans certaines occasions, mais dans d'autres, ne laisse pas le choix. Je prendrai des exemples concrets. On parlera par exemple du christianisme. Un des commandements qui est « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Bah, moi, je pense que les croisés qui sont partis faire les saintes croisades, ils ont tué, puis pas qu'un peu. Alors, à un moment donné, cette question, elle est fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut te permettre de définir cela comme une violence ou d'y répondre en tant que violence ? À quel moment cela nécessite une réponse violente ou non violente ? Je pense que c'est simplement une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, dans la vie, quelqu'un qui va être agressif avec toi verbalement, tu peux lui répondre verbalement. Par contre, quelqu'un qui vient vers toi avec une arme à feu ou quelque chose, ou même dans l'intention de te faire énormément de mal physiquement, tu vas pas lui tendre la joue. Tu vas pas prendre ta vie comme une blague. Tu te défends. Et je pense que c'est là où il y a une grosse erreur. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, la violence, elle devient, on va dire, quasi quotidienne. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus cette capacité d'analyse, c'est-à-dire de pouvoir définir si oui ou non cela mérite une réponse violente ou pas. Ou même, est-ce que cela ou ceci est violent ? Alors je pense qu'il est très intéressant de débattre là-dessus, tout simplement parce que il y a des divergences d'opinion vis-à-vis de la religion, de la culture, de l'éducation, même du milieu social, plein d'autres choses. Enfin, la violence c'est un truc général, mais défini par beaucoup d'aléas, de prérogatives qui vont caractériser ça comme une violence. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit, je sais pas moi, dans un quartier où tous les matins il se réveille en entendant des coups de feu, des trucs comme ça, va avoir beaucoup plus tendance à être moins violent que quelqu'un qui se réveillera, qui ne connaîtra pas la violence de ça. Parce que à un moment donné, il faut vivre la violence pour comprendre à quel point elle peut être utile, mais aussi dangereuse. C'est un peu comme une épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de pays, de mouvements qui ont été obligés de faire usage de la force pour leur liberté, mais aussi parce que ça devenait une question de vie ou de mort. Parce qu'il y a eu une violence coloniale ou une violence de répression de la liberté, des gens à s'exprimer ou à pouvoir exprimer leur opinion. Entre plein d'autres choses comme ça. Il y a ce cas-là, il y a d'autres cas comme la protection d'un individu. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser dans un métro avec un couteau, vous lui mettez un coup, vous n'allez pas dire « il l'a pas mérité, j'ai été violent, je suis fautif ». Quoi. C'est pour ça que je tenais à poser cette question, et donc du coup, si quelqu'un veut répondre là-dessus, je l'invite. Quelqu'un veut répondre à Nabat, lui donner... vous avez... Vous êtes d'accord, vous pouvez approfondir. Enfin, il a posé une question. C'était quoi la question, pour faire court ? Comment peut-on identifier la violence, même la définir ? Comment définir la violence ? Quelqu'un pourrait... Alors, je vais juste faire un point sur ce que j'ai sur ma présentation. En fait, quand on parle de violence, à ce moment-là, on est sur le recours à la lutte armée, en fait. On parle de ça dans les luttes de libération en Afrique et autres et machin. C'est-à-dire qu'on a comme modèle ce qui se passe notamment. Alors on est dans les années 40-50. On pense à ce qui se passe en Asie, c'est-à-dire ce qui se passe en Corée et ce qui se passe surtout en Indochine. C'est-à-dire de la nécessité quand on parle de violence tout de suite dans un contexte colonial. La violence, c'est pas je retourne une claque aux policiers ou quoi que ce soit. C'est concrètement je me fournis en armes. Voilà. Donc après, mais là où ce qui est intéressant, la question que tu poses, c'est que quand on parle de violence, oui, on dit oui, la violence, oui, donc c'est le recours à la lutte armée pour les mouvements de libération et autres. Mais il y a autre chose, ça recouvre autre chose, et ça c'est ce que Fanon a bien pointé, c'est que en effet, la violence, c'est pas seulement le fait que le gendarme peut rentrer chez n'importe quel individu et puis semer la terreur et autres, et puis il ne peut pas y avoir de représailles. C'est pas seulement ça, la violence. La violence, elle est psychologique, elle est au quotidien, elle est dans la façon dont ne serait-ce que la condition sociale dans laquelle sont maintenues les personnes, c'est une violence. Et c'est pour ça que Fanon pense que le fait de prendre le pouvoir, par exemple, par l'organisation politique, le boycott et autres, c'est très très bien. Mais ça ne libère pas les gens de la violence systémique qui est produite par l'oppression politique, c'est-à-dire avec la structure étatique qui a été mise en place par l'administration coloniale, et la violence culturelle aussi, qui est extrêmement forte, qui est extrêmement douloureuse pour les populations colonisées, et la violence psychologique et la violence économique, la violence sociale qui fait que les gens sont maintenus dans un état de pauvreté qui est terrible. Il suffit juste de voir tous ces pays qui étaient les anciennes colonies, voir dans quel état elles étaient dans les années 50, voir dans quel état elles sont, ces pays sont aujourd'hui, notamment une grande partie de la population. C'est terrible, parce qu'on voit qu'il n'y a eu quasiment aucune amélioration, aucune modification des structures, des structures économiques, sociales et autres, et que les gens subissent toujours cette forme d'oppression, cette forme de violence sociale, psychologique, culturelle et autres. Il y a aussi, mais il y a des fantasies, il a commencé là-dessus. Les violences d'État, on parle des violences d'État. Okay. Oui, je voulais essayer de déplacer un petit peu le curseur pour poser la question de celui qui est violent et du plaisir qu'il peut prendre aussi, enfin celui ou celle d'ailleurs, et du plaisir qui peut être pris dans cette forme de violence et de soumission de l'autre, qui peut aussi du coup, bon ça je pense notamment dans la violence perpétrée par des groupes, où il y a là un plaisir qui est des fois plus intense de puissance vraiment important, et en fait, poser du coup la question, bon là je sais pas seulement du côté du policier, hein, mais du rapport à la loi, parce que bon, il y a certes les violences d'État, bon bien sûr, mais il y a aussi donc la fonction de la loi qui est de limiter justement, de poser un espèce d'interdit en chacun pour que les personnes ne soient pas violentes et n'aille pas agresser les autres. En même temps, le rapport entre loi et désir est toujours très très proche, c'est-à-dire que à partir du moment où quelque chose est interdit, on va vouloir le désirer. Et donc, en fait, la question que je pose, c'est est-ce que toute cette répression, en tout cas judiciaire, plutôt posée dans la loi que réelle d'ailleurs, de la violence ne pousse pas aussi à la rendre plus réelle, plus quotidienne dans la réalité, je veux dire. Je sais pas si je suis très claire, mais je viens de penser ça maintenant comme ça, donc Antoine, je te laisse rebondir là-dessus. Ouais, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est qu'en fait, le fait que la justice, le système pénalise très fortement les actes de violence, est-ce que c'est pas ça ce qui, est-ce que c'est pas quelque chose qui au final produit de la violence? Même pas forcément qu'il le... C'est pas forcément qu'il le pénalise, c'est le fait que ce soit inscrit, qu'il y ait un espèce d'interdit là comme ça qui soit posé, et alors qu'en fait d'ailleurs justement, et on le voit dans les autant au niveau de la police que l'autre chose, que c'est pas forcément puni. Mais le fait que ce soit inscrit, ça peut pousser à cet acte-là. De la part du policier? Ou de la part de n'importe qui? Oui, parce que le rapport à la violence, à mon avis, le rapport à la violence que peut avoir qu'un policier peut entretenir, c'est pas le même que celui d'un citoyen lambda. Tiens. Dans ce cadre-là, il y a ce qui vient d'être décrit, c'est que l'État, par ses institutions, s'est arrogé le privilège et l'exclusivité de la violence. dans notre système, seul l'État est légitime à utiliser la violence pour réprimer toutes les autres formes de violence éventuelles qui, elles, seront illégitimes. Donc, afin de réprimer ces violences illégitimes, l'État va déployer tout un arsenal de matériel, d'armes et d'outils de plus en plus efficaces, de plus en plus performants, qui va mettre à disposition des forces de l'ordre, qui va leur donner justement un sentiment de puissance, qui va légitimer d'autant plus l'utilisation de leurs violences légitimes contre les violences illégitimes. D'où vient moi la question, c'est à quel moment la violence devient réellement légitime ? À part le fait que la loi a pris la décision. Ouais, la légitimité de la violence. Bah, là, on est sur le. De toute façon, on est sur la question du droit. On est sur la question du politique. C'est la question de la souveraineté. C'est aussi. Je vais revenir un peu sur ce dont je parle tout le temps, mais la colonisation, elle s'est basée sur quoi ? Sur quoi elle a commencé ? Quels ont été les premiers actes ? Les premiers actes, ça a été de dire que sur un territoire donné, les actes de violence, les crimes de sang et autres, ne relèveraient pas de la justice locale coutumière, mais désormais relèveraient de la justice du comptoir, enfin de la force du magistrat et des quelques soldats européens présents sur le territoire donné. Et c'est là que la colonisation s'enclenche, quand la légitimité, le droit dit non, le tel ou tel ou tel acte sera soumis à telle structure judiciaire, pénale et autres. Voilà. Donc, on pose la question de la légitimité. Qui a le droit d'être violent, qui n'a pas le droit d'être violent ? C'est là, justement, c'est une question de lutte politique. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de gens considèrent que la violence est quelque chose de nécessaire, une forme de démonstration politique nécessaire. C'est-à-dire que en agissant de manière violente, on conteste la légitimité du pouvoir et de l'État. Et c'est pas seulement une façon de s'énerver ou de vouloir se venger sur des policiers ou autre. C'est une façon de réellement remettre en cause, remettre en question cette légitimité de l'État. Et pas seulement la légitimité pas seulement le monopole le monopole de la violence. Je sais pas si tu comprends ce que je voulais dire. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Tu veux intervenir ? Bonjour. Donc moi en fait, je suis comment dirais-je ? Une maman de deux enfants, de père berbère marocain, ce qui fait que pour moi, je suis habituée à ce que les autres cultures nous apportent beaucoup, et je suis habituée aussi au fait que nous sommes dans un pays, la France, qui a eu des colonies, beaucoup de colonies. J'ai eu souvent des amis très chers qui étaient issus de ces colonies et qui se battaient pour leur indépendance. Au Cameroun, au Mali, au Sénégal. J'ai beaucoup d'amis au Maroc, en Tunisie. Donc la France est un pays qui a eu beaucoup de colonies, qui paraît-il, ont pris leur indépendance. Sauf qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui on voit que la France reste un pays qui a des colonies. Alors elles sont pas affichées colonies. C'est des pays soi-disant indépendants, le Mali, le Sénégal, la Tunisie. La France y est très présente. Le président François Hollande, pour qui j'ai eu le malheur de voter, sera le président qui aura fait le plus de guerres dans le monde entier en tant que président. Il nous le dit pas, il le fait pas voter, il fait voter un budget de 600 millions par an pour l'armée. Mais en fait, l'armée française est dans je ne sais pas combien de pays pas seulement au Mali, pas seulement dans tous ces pays du Tchad, du Centrafrique et tout ça, mais aussi en Syrie, en Libye. Ils nous demandent pas notre avis. Ils envoient des troupes françaises et tout ça, ça coûte en réalité 1 milliard par an. Ça coûte pas du tout 600 millions. Où c'est qu'ils trouvent le fric? Ils le piquent sur le budget des hôpitaux, où les gens qui travaillent encore dans les hôpitaux, bah, ils suicident, ils sont en burn-out, ils n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont plus de crédit pour remplacer même le matos. Et ils ont des horaires de dingue puisqu'on ne recrute plus. Ils piquent le budget de l'éducation nationale. On supprime tous les moyens des zones d'éducation populaire. Ils piquent dans le budget des universités, de la justice. Vous avez vu le temps que met la justice pour, paraît-il, travailler? Bon, on a vu le résultat, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà ce que fait François Hollande. Il fait des guerres partout. Alors, il paraît que c'est pour protéger les gens de Daesh. Ah, Daesh. En fait, moi, j'ai beaucoup d'amis maliens, sénégalais, etc., qui me disent, c'est pas du tout Daesh. La France occupe des zones, des zones militaires au Mali et ailleurs. Vous savez ce qu'elle fait dans ces zones? Ben, elle prend l'uranium, d'accord? Parce que la France a besoin d'uranium, elle a 70 centrales nucléaires. Il n'y a pas assez d'uranium en France, mais il y en a beaucoup en Afrique, il y en a beaucoup au Sahara. Donc il faut y être. C'est pas du tout pour Daesh. C'est juste pour l'uranium et toutes les ressources rares. Ça, c'est pas de la colonisation par hasard? Par contre, là où je dis que la colonie n'est pas finie, moi j'habite une banlieue, Champigny. Donc je vais très souvent dans ce qu'on appelle les ZUS. Ah oui, ça s'appelle les zones urbaines sensibles. C'est les zones à problème, quoi, où il y a des tours. Ben moi, j'appelle ça des zones où les gens sont sensibles, où les gens ont du cœur, où les gens ont de la solidarité. Et ben, dans ces quartiers-là, au pied des tours, vous avez la police qui rentre dans les immeubles, la police qui harcèle les jeunes. Elle les a contrôlés déjà 3 fois dans la journée, mais ça fait rien. Elle va les contrôler une 4e fois, 5e fois, puis... Elle les appelle bamboula, c'est normal, hein. Puis de temps en temps, elle s'amuse. Alors elle leur rentre un truc dans les boyaux, hein. Mais il paraît que c'est un viol présumé pour Théo. Ah bon? Ça suffit pas les preuves, là? Et puis c'est le sang partout, il y avait du sang partout sur son immeuble. Il y avait les caméras, il y avait les gens qui l'ont filmé, il paraît que c'est un viol présumé. Ah bon, il leur faut quoi alors pour dire viol? Théo a été violé. Adama a été étouffé par le plaquage. Le plaquage au sol qui est interdit à la police et à la gendarmerie en juillet dans un fourgon de gendarmes. Ces gendarmes-là ne sont pas encore passés devant un juge. Par contre, les deux frères d'Adama Traoré, eux, ils sont en prison parce que la mère de Beaumont-sur-Oise s'est arrangée pour déclencher des révoltes des gens parce qu'elle a empêché les deux frères de Adama Traoré morts aux mains de gendarmes. Elle les a empêchés de rentrer dans une séance du conseil municipal que la maire de Beaumont-sur-Oise, de droite, mais peu importe, avait organisée pour se faire donner de l'argent pour attaquer cette famille en diffamation. C'est normal, ça? Et donc, vous avez les frères Traoré, les frères d'Adama tués en juillet par des gendarmes qui ont jugé, qui faisaient semblant de plus pouvoir respirer, qui n'ont pas jugé utile d'appeler les pompiers, et il est arrivé mort au commissariat. Ces deux frères sont en prison depuis novembre. Et voilà, c'est ça. Alors moi, quand je vois des policiers, des gendarmes humiliés, blessés, tués, des jeunes juste parce que c'est des jeunes de banlieue populaire, ben je dis que la colonie, elle n'est pas finie. Ils se croient en colonie, ces gens-là. La police et la gendarmerie se croient en colonie. Elles se croient dans les colonies, dans nos quartiers populaires. Les contrôleurs qui contrôlent que des bronzés dans les transports publics, ils se croient dans les colonies. Alors quand est-ce qu'on en sort des colonies? On n'a pas besoin de cette police-là. On n'a pas besoin de cette justice-là. La loi, elle doit être la même pour tous. On ne veut pas d'une police au-dessus des lois. On ne veut pas d'une justice qui ne fait pas son boulot, qui relaxe Christine Lagarde, qui relaxe tous les gens qui ont fait l'ENA et qui fout en tôle deux mômes parce qu'ils ont voulu rentrer dans un conseil municipal, ce qui est leur droit. Donc cette police-là, c'est plus des gardiens de la paix, c'est des forces de l'ordre. Oui, mais quel ordre? Quel ordre on nous impose là? Nous, nous voulons la justice pour tous. Demain, il y a la marche qui part à 14 heures de Nation. On sera des milliers, oui, des milliers. On veut la justice pour Théo et tout de suite, pas dans 5 ans. On veut la justice pour Adama et tout de suite, pour Wissam, pour Ali Siri, pour combien déjà qui sont morts dans les mains de la police. Alors certes, il y a un policier qui est passé 5 ans après à la cour d'assises parce qu'il avait tué de 3 balles dans le dos Amin Bentoutsi qui s'enfuyait et qui n'était pas armé. Ah, il a écopé de quelques années de prison, mais rassurez-vous, avec sursis. Avec sursis. Mais les autres policiers, les autres gendarmes qui ont tué, qui ont violé, ils sont même pas suspendus, ils sont juste mutés, ils continuent. Hein. Nous ne voulons pas de cette police-là. Nous voulons ce qu'on appelait les gardiens de la paix, c'est-à-dire des gens qui connaissent leurs habitants, qui les respectent, qui appliquent la même loi à tous, des gens qui respectent leur code de déontologie. Il y a un code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Certes, Valls a enlevé la plupart de ce qu'il y avait bien dedans, mais il dit, l'article 434.6, que la police ou la gendarmerie doit respecter la dignité de la personne et son intégrité physique. Eh bien, montrez-leur leur code de déontologie, il est sur Internet. Et puis, équipez vos jeunes du kit de survie face à la police et à la justice, où vous trouverez tout ce qu'il faut faire quand vous êtes harcelé, quand vous êtes arrêté, quand vous êtes humilié en public par la police, et quand vous êtes traîné en garde à vue, quand vous passez en comparution immédiate, comment vous défendre. Tout ça, c'est sur Internet, ça s'appelle le kit de survie face à la police et à la gendarmerie, 4 pages, on en a plein là si vous en voulez, c'est gratuit. Voilà, défendez-vous, connaissez vos droits, et quand vous êtes victime de violences policières, attaquez, faisons des plaintes collectives, faisons des plaintes, ne les laissons pas faire ce sale boulot impunément. Merci. On continue la discussion un peu, ou tu veux intervenir? Ouais, on va passer à l'intervention suivante. C'est Nabat qui va nous parler des violences policières. Je vais lancer l'enregistrement. Attends 2 secondes.